18:35, observation. Toujours, quelquefois, jamais. Quand on a du talent, on ne réussit pas toujours, mais on réussit quelquefois. Sans talent, on ne réussit jamais. Ça marche quelquefois? Oui, ça marche toujours. Oh non, ça ne marche pas toujours. Non, ça ne marche jamais. Notez que jamais est un mot négatif. C'est le contraire de toujours et de quelquefois. Ça marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça ne marche jamais. Notez que jamais occupe la même place que pas et plus.